La Corée enregistre des succès dans les recherches scientifiques dans le cadre de la grande transformation de la nature. La Faculté des sciences de l'environnement de la Terre de l'Université Kim Il-sung a mis au point le système de support d'entretien du poids optimal capable de contribuer à la production rationnelle d'électricité dans les centrales hydroélectriques et autres réalisations pour prévenir l'inondation dans les bassins tels que le fleuve Daedong et utiliser efficacement les ressources d'eau. Elle a aussi obtenu du progrès dans les recherches pour la pisciculture du saumon d'Atlantique, le filtrage des eaux de mer et l'exploitation de l'énergie naturelle utilisant le courant marin, les vagues et la marée. En outre, la faculté a aussi modernisé et informatisé l'environnement des usines et entreprises pour la production et la vie.